toi, toi si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. De ciel bleu, mais tu n'es pas le bon Dieu, toi tu es beaucoup mieux, tu es un ange. Un homme, tu es un homme.